Encore une autre question qui me brûlait les lèvres, c'est la question du passage finalement, de votre passage à la vidéo comme médium d'art. Vous êtes aujourd'hui véritablement un artiste pluridisciplinaire, intermédial, c'est tout à fait exemplaire. Et puis cette question du groupe aussi, la question peut-être du passage de l'analogique au numérique, c'est-à-dire que là il y a aussi quelque chose qui se déplace. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter à quel moment vous avez décidé quand même, finalement, aussi, d'intégrer ce médium vidéo? Mais la vidéo entre quand même relativement tôt dans notre travail. C'est-à-dire, mis à part cette action, je ne considère pas à l'époque, la vidéo n'avait pas d'impact, c'est-à-dire c'était un truc secret, personne ne l'avait vu, donc on ne peut pas parler d'une présence ou d'une conséquence qu'aurait eu cet enregistrement sur notre travail. En revanche, en 79, lorsque nous faisons une performance de cinéma élargi qui s'appelle, attention c'est du latin, Arteria Magna, mais je le prononce à la française, Arteria Magna in dolore laterali, traduction, grande artère en douleur latérale, ça veut dire. Grande artère en douleur latérale, et c'était un titre qu'on avait repris dans une gravure de Vézal. Et on avait créé là une œuvre sur cette artère en douleur. C'était sur des traumatismes importants, personnels. On a décidé de travailler sur certains traumatismes. Et nous avons fait chacune un choix d'un traumatisme qui était très important dans sa vie. Maria a pris sa naissance comme traumatisme fondamental, et moi j'ai pris la mort de ma grand-mère. Bon. Et on a, à côté de ces deux chapitres, c'était vraiment une pièce en trois chapitres, il y a eu un troisième chapitre où on a pris un traumatisme, on a traité un traumatisme collectif qui était les mutilations sexuelles des femmes africaines, parce qu'à l'époque où on créait la pièce, il y a eu les premiers articles dans Le Monde, ce qui se passait enfin. Et c'était pas possible que ça passe à côté, et donc c'était intégré dans cette pièce. Et dans cette pièce-là, que nous avons présentée au Centre culturel de l'Abbaye, il y avait aussi de la vidéo. Il y avait une performance, et il y avait aussi de la vidéo. C'était très éclaté sur le plan des médias. C'était des diapositives, du film, de la vidéo, de la performance, des photocopies, enfin. Et pour la vidéo, ce qui nous a intéressé, on l'a intégré pour deux caractéristiques en fait techniques de la vidéo. L'une c'était la retransmission en direct, et ça on l'a utilisé à un moment où moi j'affichais sur un écran vide blanc mais éclairé par un faisceau de projecteurs des coupures de presse sur les mutilations sexuelles, et en même temps il y avait un caméraman Jean-Michel, il était important, il a beaucoup travaillé en vidéo, tu peux le connaître, il travaillait à la vie. Bon, lui, il filmait et retransmettait sur un poste qui se trouvait comme ça au centre des gros plans des articles. D'accord ? Ça, c'était une chose. Et sinon, ce poste, du reste, il restait tout le long de l'action allumé, mais sans image. Parce que ce qui nous intéressait beaucoup, beaucoup, énormément dans la vidéo, c'était la neige. Donc, il y avait cette espèce d'absence d'image, mais en même temps, ce fourmillement, cette vibration constante qui était fantastique et qui, pour nous, était un dispositif de temps. Quoi. Ça marquait, en quelque sorte, le temps. Voilà, c'est comme ça que la vidéo a commencé chez nous. C'était la première chose. Après, elle a été dans d'autres... Ah oui, on l'a eu dans Incendie de l'Ange. Il y avait aussi de la vidéo en 1985. Mais pareil, avec beaucoup d'écrans blancs, par exemple. Ça nous intéressait, c'est ce côté lumière, quoi, émanation de lumière. Et notre première vidéo analogique, on l'a faite en 94 en Grèce, parce que il y avait un garçon qui s'appelait Mantos Santorineos, qui était très engagé dans la vidéo, et qui depuis des années nous disait écoutez, j'ai construit un studio à Athènes, venez, vous allez faire tout ce que vous voulez, je vous le donne le temps que vous voulez, mais vous allez faire quelque chose en vidéo. Et nous on disait non, non, non. Et ce qui est intervenu entre temps quand même, ce sont les rencontres internationales art, cinéma, vidéo et ordinateur. Très important. Parce qu'il faut dire que jusqu'au milieu des années 85, on n'avait quand même pas une grande culture en vidéo. Hein. On connaissait certaines choses, mais on n'avait pas la culture qu'on avait en film. Quand même. Et quand on a eu l'idée de croiser tous les médias et de les mettre en relation avec les rencontres internationales art, cinéma, vidéo, ordinateur, qui était une grande manifestation internationale qui s'est tenue à la Vidéothèque de Paris, d'abord, et puis au cinéma des cinéastes. Là, on s'est dit, il faut se faire une éducation, il faut se faire une culture. Et je me souviens, c'était Gladys Fabre qui nous a prêté sa collection, parce qu'elle avait une collection de vidéos qu'elle distribuait à l'époque, je ne sais plus, qui venait directement de est-ce que c'était Video Data Bank, enfin d'un distributeur important américain. Oui, c'était pour elle. Hein, c'était pour elle, oui. Voilà. Pas du tout pour diffuser, c'était sa exactement. Collection. Voilà. Et elle nous a dit, bon, si vous cherchez à voir des vidéos, moi j'en ai. Et donc, on a emprunté un magnétoscope à la ville de Paris, et on l'a installé là, et on a tout visionné, des centaines. On a connu Bill Viola, et on était fascinés. On a dit, mais c'est formidable. Donc, on peut faire des choses formidables avec. Et comme ça, on a présenté aux rencontres la sélection. Enfin, ensuite, on s'est mobilisé quand même. On est allé à Londres, à New York, à Toronto, en regardant des vidéos et des films. Sans aucune distinction de format. Voilà, et c'est après les rencontres et après avoir vu tout cela qu'on a dit à notre ami grec, oui, on vient, on va essayer. Et on est allé depuis 91, on a commencé, et on a sorti en 94 Requiem pour le 20e siècle et Personal Statement. C'était analogique. Et là, ce qui nous passionnait, c'est que ça ressemblait, on travaillait sur la console, et ça ressemblait au travail du son, parce qu'entre-temps, on avait beaucoup travaillé à la radio, on était comme férus de son, et on voyait que c'était assez semblable. On pouvait faire des surimpressions, beaucoup de choses, des traitements d'image. Voilà, donc on fait ces deux pièces, et puis ça reste comme ça. C'est plus ce qu'on a fait après. Qu'est-ce qu'on a fait après ces années-là ? On faisait beaucoup d'installations à l'époque. Le format qui a pris le dessus dans les années 90, c'était les installations. Et au début des années 2000, nous obtenons une résidence au CICB, Pierre Scheffer. Et il y a Pierre Giovanni qui vient, qui nous dit, venez, faites ce que vous voulez. Parce que nous, on allait seulement comme ça. Hein. Si on disait, venez, mais il faut entrer dans ça, on n'y allait pas. Faites ce que vous voulez, vous aurez le studio. Et donc, on a eu aussi une technicienne quand même, parce qu'on ne savait pas manipuler. Et c'était Cathy Vaughan, vous voyez, qui avait fait des vidéos. La collaboration n'était pas très facile, mais on a fait des choses formidables ensemble. Et là, on est entré dans une sorte de situation absolument extatique. Hein. On créait des images. On adorait... Tous les accidents techniques qui arrivaient étaient absolument extraordinaires. Et on disait, c'était très drôle, parce que Cathy faisait quelque chose et en cours de route, elle arrêtait une machine. Et là, il y avait une image fantastique. On lui disait ça, mais c'est ça, on veut pas le précédent, c'est ça. Et elle disait, mais attendez, c'est pas possible, comment on va faire c'est... Bon. Et on est sorti avec, je pense, une dizaine d'heures quand même. Un grand corpus comme ça, immense. Numérique, du coup. Et à partir de là, nous avons réalisé Pulsar, Quasar, Angel Scan. Et il y avait encore trois en cours actuellement, et puis Maria est partie. Voilà. Une petite précision, l'année des rencontres internationales, c'était en quelle année ? Alors, nous les avons commencées, on a fait trois éditions. La première édition, c'était en 90. Elle était intitulée Technologie imaginaire. Et il y a un livre, nos catalogues étaient toujours des ouvrages hein, qui sortaient en même temps. Et un ouvrage intitulé Technologie et imaginaire, art, cinéma, vidéo, ordinateur, est sorti aux éditions d'Ivoire en 90. La deuxième édition, c'était en 94. Et c'était intitulé Mutation de l'image. De nouveau ouvrage, édition Astarty. Et la troisième, c'était en 98. Intitulé Pour une écologie des médias. Voilà. Et encore une édition Astarty. Et après ça, c'était fini. Ce sont quand même des événements extrêmement importants. C'est que dans le cadre du séminaire Vidéo des premiers temps, c'est un peu au-delà de notre période, mais quand on poursuivra vraiment le travail sur l'histoire de la vidéo, ce seront des publications et des événements dont il faudra absolument retracer l'histoire, c'est mon travail ensemble. Et j'en profite aussi pour dire que ces trois événements ont toujours été des moments où vous avez permis la promotion aussi de création de femmes. Hein. Oui, absolument. Absolument. Les femmes étaient vraiment très très très en lumière. Oui, absolument, parce que avant on avait quand même créé Astarty, et je vois là deux des membres fondateurs qui sont au fond de la salle. C'est Véronique Boutrou à gauche et Catherine Barrault. Je ne sais pas s'il y a une autre qui est dans la salle et que je n'ai pas vue. Mais nous avons créé Astarty d'abord en 85, et c'était un peu à la suite ou simultané à un stage que moi j'avais fait, parce qu'à l'époque... Il y avait aussi des stages de cinéma Super 8 pour des femmes. Et donc, Véronique et Catherine avaient participé à ce stage. Et puis, il y avait, je ne sais pas, une douzaine de personnes à peu près qui ont participé. Et à la suite de ça, on a fondé Astarty et un certain nombre de personnes qui ont participé au stage, des femmes qui ont participé au stage, sont devenues des membres, enfin, elles étaient dans les conseils de, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, de l'association. Et avec cette association, nous avons organisé par la suite deux événements à la Galerie Dongui. Un événement qui s'appelait Miroir Vêtements. C'était en 86 ou 17 86 ou 7 hein? 87. Et ensuite, un autre événement qui s'appelait Dimanche Magnétique, et qui était consacré uniquement aux œuvres sonores des femmes, de nouveau à la Galerie Longhi, en 88. Voilà, c'est pas sûr. Bon, on va vérifier. Et après ces deux événements, on a conçu les rencontres avec Maria. Et on a commencé cette incroyable histoire parce qu'il fallait chercher de l'argent, il fallait chercher... Donc c'était des événements qui nous immobilisaient pratiquement pendant 3 ans, puisqu'on faisait aussi une recherche sur le plan international. Et là, au moins le 50%, mais plus, de ce qui était présenté était inédit à Paris. Donc on apportait des inédits, des choses qui n'étaient pas du tout montrées et qui d'ailleurs ensuite étaient reprises par le Centre Pompidou, par des festivals, etc. Et puis beaucoup de choses. D'abord, on voulait complètement déhiérarchiser les relations entre les médias, complètement, parce que c'était affreux. Nous, on avait traversé le cinéma d'abord, ensuite on est entré dans le circuit des arts plastiques, on a vu comment ça fonctionnait, la vidéo, le numérique. Et on voyait que c'était chaque fois des milieux quand même assez fermés et assez rivaux. Et la conjoncture, quand on fait les rencontres, est difficile aussi pour la vidéo, parce qu'on les conçoit fin des années 80. Et au début, bon, le cinéma expérimental n'a jamais été soutenu par l'État. Jamais. On était toujours des outsiders. On nous envoyait, si on voulait un peu d'argent, le CNCM nous disait aller voir du côté des arts plastiques, et les arts plastiques nous disaient aller voir du cinéma. Si c'est du cinéma, ça n'a rien à voir. Et donc, il n'y avait pas moyen d'obtenir des fonds pour à la création si on faisait des films. La vidéo, ça se passait un peu mieux quand même, parce que la vidéo est entrée quand même, une certaine vidéo, hein, dans le milieu de l'art, c'était possible de la montrer dans des galeries, c'était quand même un objet, c'était aussi possible de vendre si on voulait vendre, etc. Mais alors le numérique qui arrive au milieu des années 80, eh ben là ça coïncide avec une politique d'État. Et là nous voyons des sommes d'argent, mais faramineuses, filées pour des œuvres... Je ne vais pas dire. Donc non, croyez pas à nos yeux. Parce que, évidemment, comme le ministère nous finançait pour les rencontres, ils ont dit, bon, on va vous montrer notre collection d'œuvres numériques. On n'a choisi aucune. On n'a pris aucune, parce que ce n'était pas possible. Alors, on a quand même discuté avec eux, et ils étaient très, très sympas, parce que... Et ils ne nous ont pas posé quand même d'obligation, voilà, on vous finance, mais vous allez quand même promouvoir telle chose. Non. C'était vraiment carte blanche. Mais par contre, on a discuté de beaucoup de choses, et puis on a pris d'autres pièces qu'on avait vues à l'INA à l'époque. Il y avait beaucoup de choses intéressantes en vidéo, en numérique, et puis internationalement. Mais peu quand même. C'est-à-dire, le numérique, dans les rencontres, représentait toujours une petite... tranche par rapport au cinéma qui était plus large, la vidéo un peu moins, pour des raisons chronologiques aussi, je pense, parce que le cinéma expérimental ça existait depuis le début du siècle. Voilà, ça c'était les rencontres, et puis c'était une programmation qui combinait table ronde, donc discussion et projection d'œuvres, et justement il y avait beaucoup de barrières qu'on essayait de faire tomber avec cette manifestation. Aussi les barrières entre générations, aussi les barrières entre artistes très reconnus et artistes totalement inconnus. Et donc il y avait de très jeunes artistes à côté des grands pionniers et tout ça. Et les gens venaient, c'est-à-dire nous avons eu des personnalités extraordinaires quand même, qui se sont déplacées pour ces rencontres. Donc on faisait toujours une sorte de panel avec des artistes très marquants, et des théoriciens, et des organisateurs, et des institutionnels qui étaient engagés donc, dans ces champs. Voilà. Ces publications, évidemment, sont dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France. Hein, ça, oui. Ça a été bien prévu par le délit de collègue. Donc nous allons effectivement devoir conclure. Donc, j'ai envie d'annoncer en clin d'œil qu'il y a un lien entre cette séance et une des futures séances. Je n'ose donner la date exacte pour l'instant, parce que je n'en ai pas sous les yeux, c'est la séance de mars. La séance de mars, a priori, donc, sera consacrée au collectif Vidéo 0031 avec le collectif Vidéo 00. Et pour le collectif Vidéo 0031, Marie-Thérèse Martinelli devrait être présente avec nous. Et donc, elle a précisément, Marie-Thérèse, suivi un stage à Toulouse. C'est à Toulouse que vous avez... Stage super vite à Toulouse. C'est à Toulouse, d'accord. Un stage Marie-Thérèse, super vite pour femmes que vous aviez organisé à Toulouse dans un contexte. Mais Marie-Thérèse était fondatrice quand même du Ciné-Club de femmes de Toulouse avec Irène Corradin. Et Marie-France, oui. Absolument. Je pense qu'il en sera question, justement, ça fera un petit coup. Mais la prochaine séance se tiendra le 12 janvier prochain. Donc cette année, nous avons un peu davantage espacé les séances, vous avez pu constater, de ce séminaire. Il y a une séance de vente que l'an passé. Et donc nous retrouverons qu'en 2015, le 12 janvier, autour de François Pin, en sa présence. Et normalement, mais là ce sera confirmé par mail comme d'habitude, nous espérons recevoir aussi donc, d'autres invités avec lui qui ont été des personnes importantes dans le cadre de son parcours, je dirais, de Paris 8, du selfie, évidemment à la Borde, jusqu'à des expériences plus récentes et puis jusqu'à son travail qui se poursuit aujourd'hui encore avec l'Institut national de l'audiovisuel. Donc normalement, on espère que Yolande Robbeil, qui a commencé la vidéo avec lui, sera présente. On espère aussi que Patrick Prado reviendra apporter des éléments de précision. Ce sera aussi un regard du coup avec ce qui a été évoqué en fin de saison dernière et évidemment l'histoire de Grand Canal. Tout cela vous sera confirmé. Donc François Pin, c'est sa troisième histoire de la vidéo à Paris 8, avant scène en l'occurrence, à quoi évidemment l'usage de la vidéo dans le milieu de la psychiatrie institutionnelle, ça on avait déjà invité à cet égard, mais aussi des enjeux donc, de pratiques en lien avec les institutions productrices et potentiellement diffusantes des images, mais surtout productrices, comme l'Institut national de l'audiovisuel. Ça croisera aussi d'ailleurs l'histoire du centre public, puisque François Pin a fait partie du petit groupe qui a préfiguré. Enfin, qui a été impliqué dans la préfiguration du centre, de l'établissement, qui avait un volet vidéo extrêmement important. Et là, je regarde Camille, normalement, vous pouvez trouver des choses.